Chapitre 13. L'enfer chrétien. Entre plusieurs différences qui distinguent l'enfer chrétien du Tartare, une surtout est remarquable. Ce sont les tourments qu'éprouvent eux-mêmes les démons. Pluton, les juges, les parques et les furies ne souffraient point avec les coupables. Les douleurs de nos puissances infernales sont donc un moyen de plus pour l'imagination, et conséquemment un avantage poétique de notre enfer sur l'enfer des anciens. Dans les chants cimériens de l'Odyssée, le vague des lieux, les ténèbres, l'incohérence des objets, la fosse où les ombres viennent boire le sang, donnent au tableau quelque chose de formidable, et qui peut-être ressemble plus à l'enfer chrétien que le Thénard de Virgile. Dans celui-ci, l'on remarque les progrès des dogmes philosophiques de la Grèce. Les parques, le Cocyte, le Styx se retrouvent dans les ouvrages de Platon. Là commence une distribution de châtiments et de récompenses inconnues à Homère. Nous avons déjà fait remarquer que le malheur, l'indigence et la faiblesse étaient, après le trépas, relégués par les païens dans un monde aussi pénible que celui-ci. La religion de Jésus-Christ n'a point ainsi sevré nos âmes. Nous savons qu'au sortir de ce monde de tribulation, nous autres, misérables, nous trouverons un lieu de repos, et si nous avons eu soif de la justice dans le temps, nous en serons rassasiés dans l'éternité. Sitiunt justitiam, ipsi satura bontur. Si la philosophie est satisfaite, il ne nous sera pas très difficile peut-être de convaincre les muses. À la vérité, nous n'avons point d'enfer chrétien traité d'une manière irréprochable. Ni le Dante, ni le Tasse, ni Milton ne sont parfaits dans la peinture des lieux de douleur. Cependant, quelques morceaux excellents, échappés à ces grands maîtres, prouvent que si toutes les parties du tableau avaient été retouchées avec le même soin, nous posséderions des enfers aussi poétiques que ceux d'Homère et de Virgile. Chapitre 14. Parallèle de l'enfer et du Tartare. Entrée de l'Averne. Porte de l'enfer du Dante. Didon. Françoise de Rimini. Tourment des coupables. L'entrée de l'Averne, dans le sixième livre de l'Énéide, offre des vers d'un travail achevé. Ibant obscuri sola sub nocte per umbram, perque domos ditis vacuas et inania regna. Palentesque habitan morbi, tristisque senectus, et metus, et male suada fames, et turpis et gestas, tiribiles visu formae, letumque laborque, tum consanguineus letis opor, et mala mentis gaudia. Il suffit de savoir lire le latin pour être frappé de l'harmonie lugubre de ces vers. Vous entendez d'abord mugir la caverne, où marche la sibylle et aînée, ibant obscuri sola sub nocte per umbram. Puis tout à coup, vous entrez dans des espaces déserts, dans les royaumes du vide. Perque domos ditis vacuas et inania regna. Viennent ensuite des syllabes sourdes et pesantes, qui rendent admirablement les pénibles soupirs des enfers. Tristisque senectus et metus. Letumque laborque. Consonance qui prouve que les anciens n'ignorait pas l'espèce de beauté attachée à la rime. Les Latins, ainsi que les Grecs, employaient la répétition des sons dans les peintures pastorales et dans les harmonies tristes. Le Dante, comme aîné, erre d'abord dans une forêt qui cache l'entrée de son enfer. Rien n'est plus effrayant que cette solitude. Bientôt, il arrive à la porte, où se lit la fameuse inscription « Per me si vanelia città dolente, per me si vanelli eterno dolore, per me si va tra la perduta gente, lasciate ogni speranza, voi che entrate. » Voilà précisément la même sorte de beauté que dans le poète latin. Toute oreille sera frappée de la cadence monotone de ces rimes redoublées, où semble retentir et expirer cet éternel cri de douleur qui remonte du fond de l'abîme. Dans les trois « Per me si va », on croit entendre le glas de l'agonie du chrétien. le Lasciate ogni speranza est comparable au plus grand trait de l'enfer de Virgile. Milton, à l'exemple du poète de Mantoue, a placé la mort à l'entrée de son enfer, l'etum, et le péché, qui n'est que le mala mentis gaudia, les joies coupables du cœur. Il décrit ainsi la première, the other shape, etc. L'autre forme, si l'on peut appeler de ce nom ce qui n'avait point de forme, se tenait debout à la porte. Elle était sombre comme la nuit, hagarde comme dix furies. Sa main brandissait un dard affreux, et sur cette partie qui semblait sa tête, elle portait l'apparence d'une couronne. Jamais fantôme n'a été représenté d'une manière plus vague et plus terrible. L'origine de la mort, racontée par le péché, la manière dont les échos de l'enfer répètent le nom redoutable lorsqu'il est prononcé pour la première fois, tout cela est une sorte de noir sublime, inconnu de l'Antiquité. En avançant dans les enfers, nous suivrons Énée, au champ des larmes, Lugentes Campi. Il y rencontre la malheureuse Didon. Il l'aperçoit dans les ombres d'une forêt, comme on voit, ou comme on croit voir, la lune nouvelle se lever à travers les nuages. Qualem primo qui sugere mense, aut videt, aut vidisse putat, per nubila lunam. Ce morceau est d'un goût exquis, mais le Dante est peut-être aussi touchant dans la peinture des campagnes des pleurs. Virgile a placé les amants au milieu des bois de myrte et dans des allées solitaires. Le Dante a jeté les siens dans un air vague et parmi des tempêtes qui les entraînent éternellement. L'un a donné pour punition à l'amour ses propres rêveries, l'autre on a cherché le supplice dans l'image des désordres que cette passion fait naître. Le Dante arrête un couple malheureux au milieu d'un tourbillon. Françoise de Rimini, interrogée par le poète, lui raconte ses malheurs et son amour, noi leggevamo, etc. Nous lisions un jour, dans un doux loisir, comment l'amour vainquit Lancelot. J'étais seule avec mon amant, et nous étions sans défiance. Plus d'une fois, nos visages pâlirent et nos yeux troublés se rencontrèrent, mais un seul instant nous perdit tous deux. Lorsqu'enfin l'heureux Lancelot cueille le baiser désiré, alors celui qui ne me sera plus ravi colla sur ma bouche ses lèvres tremblantes et nous laissâmes échapper le livre par qui nous fut révélé le mystère de l'amour. Quelle simplicité admirable dans le récit de Françoise! Quelle délicatesse dans le trait qui le termine! Virgile n'est pas plus chaste dans le quatrième livre de l'Énéide, lorsque Junon donne le signal « Dant signum ». C'est encore au christianisme que ce morceau doit une partie de son pathétique. Françoise est punie pour n'avoir pas su résister à son amour et pour avoir trompé la foi conjugale. La justice inflexible de la religion contraste avec la pitié que l'on ressent pour une faible femme. Non loin du champ des larmes, Énée voit le champ des guerriers. Il y rencontre Déiphobe, cruellement mutilé. Son histoire est intéressante, mais le seul nom d'Ugolin rappelle un morceau fort supérieur. On conçoit que Voltaire n'ait vu dans les feux d'un enfer chrétien que des objets burlesques. Cependant, ne vaut-il pas mieux pour le poète y trouver le conte Ugolin et matière à des vers aussi beaux, à des épisodes aussi tragiques? Lorsque nous passons de ces détails à une vue générale de l'enfer et du Tartare, nous voyons dans celui-ci les titans foudroyés, Ixion menacés de la chute d'un rocher, les Danaïdes avec leurs tonneaux, Tantale trompés par les ondes, etc. Soit que l'on commence à s'accoutumer à l'idée de ces tourments, soit qu'il n'est rien en eux-mêmes qui produise le terrible. Parce qu'ils se mesurent sur des fatigues connues dans la vie, il est certain qu'ils font peu d'impression sur l'esprit. Mais voulez-vous être remué? Voulez-vous savoir jusqu'où l'imagination de la douleur peut s'étendre? Voulez-vous connaître la poésie des tortures et les hymnes de la chair et du sang? Descendez dans l'enfer du Dante. Ici, des ombres sont ballottées par des tourbillons d'une tempête. là des sépulcres embrasés renferment les fauteurs de l'hérésie. Les tyrans sont plongés dans un fleuve de sang tiède. Les suicides, qui ont dédaigné la noble nature de l'homme, ont rétrogradé vers la plante. Ils sont transformés en arbres rachitiques, qui croissent dans un sable brûlant, et dont les harpies arrachent sans cesse des rameaux. Ces âmes ne reprendront point leur corps au jour de la résurrection. Elles les traîneront dans l'affreuse forêt pour les suspendre aux branches des arbres auxquels elles sont attachées. Si l'on dit qu'un auteur grec ou romain eût pu faire un Tartare aussi formidable que l'enfer du Dante, cela d'abord ne conclurait rien contre les moyens poétiques de la religion chrétienne. Mais il suffit d'ailleurs d'avoir quelques connaissances du génie de l'Antiquité pour convenir que le ton sombre de l'enfer du Dante ne se trouve point dans la théologie païenne et qu'il appartient aux dogmes menaçants de notre foi. Chapitre 15 du Purgatoire. On avouera du moins que le purgatoire offre aux poètes chrétiens un genre de merveilleux inconnu à l'Antiquité. Il n'y a peut-être rien de plus favorable aux muses que ce lieu de purification placé sur les confins de la douleur et de la joie, où viennent se réunir les sentiments confus du bonheur et de l'infortune. La gradation des souffrances en raison des fautes passées, ces âmes plus ou moins heureuses, plus ou moins brillantes, selon qu'elles approchent plus ou moins de la double éternité des plaisirs ou des peines, pourraient fournir des sujets touchants au pinceau. Le purgatoire surpasse en poésie le ciel et l'enfer, en ce qu'il présente un avenir qui manque aux deux premiers. Dans l'Élysée antique, le fleuve du Léthé n'avait point été inventé sans beaucoup de grâce. Mais toutefois, on ne saurait dire que les ombres qui renaissaient à la vie sur ses bords présentassent la même progression poétique vers le bonheur que les âmes du purgatoire. Quitter les campagnes des mânes heureux pour revenir dans ce monde, c'était passer d'un état parfait à un état qui l'était moins. C'était rentrer dans le cercle, renaître pour mourir, voir ce qu'on avait vu. Toute chose dont l'esprit peut mesurer l'étendue est petite. Le cercle, qui chez les anciens exprimait l'éternité, pouvait être une image grande et vraie. Cependant, il nous semble qu'elle tue l'imagination, en la forçant de tourner dans ce cerceau redoutable. La ligne droite, prolongée sans fin, serait peut-être plus belle, parce qu'elle jetterait la pensée dans un vague effrayant, et ferait marcher de front trois choses qui paraissent s'exclure. L'espérance, la mobilité et l'éternité. Le rapport à établir entre le châtiment et l'offense peut produire ensuite dans le purgatoire tous les charmes du sentiment. Que de peines ingénieuses réservées à une mère trop tendre, à une fille trop crédule, à un jeune homme trop ardent. Et certes, puisque les vents, les feux, les glaces prêtent leur violence aux tourments de l'enfer, pourquoi ne trouverait-on pas des souffrances plus douces dans les chants du rossignol, dans les parfums des fleurs, dans le bruit des fontaines ou dans les affections purement morales? Homère et Ossian ont chanté les plaisirs de la douleur, the joy of grief. Une autre source de poésie qui découle du purgatoire est ce dogme par qui nous sommes enseignés que les prières et les bonnes œuvres des mortels hâtent la délivrance des âmes. Admirable commerce entre le fils vivant et le père décédé, entre la mère et la fille, entre l'époux et l'épouse, entre la vie et la mort. Que de choses attendrissantes dans cette doctrine. Ma vertu, à moi chétif mortel, devient un bien commun pour tous les chrétiens. Et de même que j'ai été atteint du péché d'Adam, ma justice est passée en compte aux autres. Poètes chrétiens, les prières de vos Nisus atteindront un Eurial au-delà du tombeau. Vos riches pourront partager leur superflu avec le pauvre. Et pour le plaisir qu'ils auront eu à faire cette simple, cette agréable action, Dieu les en récompensera encore, en retirant leur père et leur mère d'un lieu de peine. C'est une belle chose d'avoir, par l'attrait de l'amour, forcé le cœur de l'homme à la vertu, et de penser que le même denier qui donne le pain du moment aux misérables donne peut-être à une âme délivrée une place éternelle à la table du Seigneur. Chapitre 16. Le paradis. Le trait qui distingue essentiellement le paradis de l'Élysée, c'est que dans le premier, les âmes saintes habitent le ciel avec Dieu et les anges, et que dans le dernier, les ombres heureuses sont séparées de l'Olympe. Le système philosophique de Platon et de Pythagore, qui divise l'âme en deux essences subtiles qui s'envolent au-dessous de la lune, et l'esprit qui remonte vers la divinité. Ce système, disons-nous, n'est pas de notre compétence, et nous ne parlons que de la théologie poétique. Nous avons fait voir dans plusieurs endroits de cet ouvrage la différence qui existe entre la félicité des élus et celle des mânes de l'Élysée. Autre est de danser et de faire des festins, autre de connaître la nature des choses, de lire dans l'avenir, de voir les révolutions des globes, enfin d'être comme associé à l'omniscience, sinon à la toute-puissance de Dieu. Il est pourtant extraordinaire qu'avec tant d'avantages, les poètes chrétiens aient échoué dans la peinture du ciel. Les uns ont péché par timidité, comme le Tasse et Milton, les autres par fatigue, comme le Dante, par philosophie, comme Voltaire, ou par abondance, comme Klopstock. Il y a donc un écueil caché dans ce sujet. Voici quelles sont nos conjectures à cet égard. Il est de la nature de l'homme de ne sympathiser qu'avec les choses qui ont des rapports avec lui, et qui le saisissent par un certain côté, tel par exemple que le malheur. Le ciel, où règne une félicité sans bornes, est trop au-dessus de la condition humaine pour que l'âme soit fort touchée du bonheur des élus. On ne s'intéresse guère à des êtres parfaitement heureux. C'est pourquoi les poètes ont mieux réussi dans la description des enfers. Du moins, l'humanité est ici, et les tourments des coupables nous rappellent les chagrins de notre vie. Nous nous attendrissons sur les infortunes des autres, comme les esclaves d'Achille qui, en répandant beaucoup de larmes sur la mort de Patrocle, pleuraient secrètement leur propre malheur. Pour éviter la froideur qui résulte de l'éternelle et toujours semblable félicité des justes, on pourrait essayer d'établir dans le ciel une espérance, une attente quelconque de plus de bonheur, ou d'une époque inconnue dans la révolution des êtres. On pourrait rappeler davantage les choses humaines, soit en tirant des comparaisons, soit en donnant des affections et même des passions aux élus. L'Écriture nous parle des espérances et des saintes tristesses du ciel. Pourquoi donc n'y aurait-il pas dans le paradis des pleurs tels que les saints peuvent en répandre? Par ces divers moyens, on ferait naître des harmonies entre notre nature bornée et une constitution plus sublime, entre nos fins rapides et les choses éternelles. Nous serions moins portés à regarder comme une fiction un bonheur qui, semblable au nôtre, serait mêlé de changements et de larmes. D'après ces considérations sur l'usage du merveilleux chrétien dans la poésie, on peut du moins douter que le merveilleux du paganisme ait sur le premier un avantage aussi grand qu'on l'a généralement supposé. On oppose toujours Milton avec ses défauts à Homère avec ses beautés. Mais supposons que le chantre d'Éden fût né en France sous le siècle de Louis XIV, et qu'à la grandeur naturelle de son génie, il eut joint le goût de Racine et de Boileau. Nous demandons quel fut devenu alors le paradis perdu, et si le merveilleux de ce poème n'eût pas égalé celui de l'Iliade et de l'Odyssée. Si nous jugions la mythologie d'après la Pharsale, ou même d'après l'Énéide, en aurions-nous la brillante idée que nous en a laissé le père des grâces, l'inventeur de la ceinture de Vénus? Quand nous aurons sur un sujet chrétien un ouvrage aussi parfait dans son genre que les ouvrages d'Homère, nous pourrons nous décider en faveur du merveilleux de la fable ou du merveilleux de notre religion. Jusque alors, il sera permis de douter de la vérité de ce précepte de Boileau. De la foi d'un chrétien, les mystères terribles, d'ornements égayés, ne sont point susceptibles. Art poétique. Au reste, nous pouvions nous dispenser de faire lutter le christianisme avec la mythologie sous le seul rapport du merveilleux. Nous ne sommes entrés dans cette étude que par surabondance de moyens et pour montrer les ressources de notre cause. Nous pouvions trancher la question d'une manière simple et péremptoire, car fut-il certain, comme il est douteux, que le christianisme ne pût fournir un merveilleux aussi riche que celui de la fable, encore est-il vrai qu'il y a une certaine poésie de l'âme, une sorte d'imagination du cœur, dont on ne trouve aucune trace dans la mythologie. Or, les beautés touchantes qui émanent de cette source feraient seules une ample compensation pour les ingénieux mensonges de l'Antiquité. Tout est machine et ressort, tout est extérieur, tout est fait pour les yeux dans les tableaux du paganisme. Tout est sentiment et pensée, tout est intérieur, tout est créé pour l'âme dans les peintures de la religion chrétienne. Quel charme de méditation, quelle profondeur de rêverie! Il y a plus d'enchantement dans une de ces larmes que le christianisme fait répandre aux fidèles que dans toutes les riantes erreurs de la mythologie. Avec une Notre-Dame des douleurs, une Mère de pitié, quelques saints obscurs, patrons de l'aveugle et de l'orphelin, un auteur peut écrire une page plus attendrissante qu'avec tous les dieux du Panthéon. C'est bien là aussi de la poésie, c'est bien là du merveilleux. Mais voulez-vous du merveilleux plus sublime? Contemplez la vie et les douleurs du Christ, et souvenez-vous que votre Dieu s'est appelé le Fils de l'homme. Nous osons le prédire. Un temps viendra où l'on sera étonné d'avoir pu méconnaître les beautés qui existent dans les seuls noms, dans les seules expressions du christianisme. L'on aura de la peine à comprendre comment on a pu se moquer de cette religion, de la raison et du malheur. Ici finissent les relations directes du christianisme et des muses, puisque nous avons achevé de l'envisager poétiquement dans ses rapports avec les hommes et dans ses rapports avec les êtres surnaturels. Nous couronnerons ce que nous avons dit sur ce sujet par une vue générale de l'écriture. C'est la source où Milton, le Dante, le Tasse et Racine ont puisé une partie de leurs merveilles, comme les poètes de l'Antiquité ont emprunté leurs grands traits d'Homère. Fin du livre 4e.